Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre. Et vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Sa 20e année cette saison, déjà 20 ans, ça passe très très vite. Et question un peu de savoir comment que ça va. C'est un 20 ans certainement assez mouvementé. On parle avec le président Michel Chiasson. Bon après-midi, Michel. Bonjour. Michel, 20 ans déjà, ça passe vite, hein? Oui, très vite, 20 ans, oui, très vite. Cette année, on va essayer de souligner ça un petit peu. C'est sûr que les circonstances avec la crise actuelle, ça va être différent de ce qu'on s'attendait. On voulait faire ça plus grandiose. Ouais. Là, ben, ça va être plus petit un peu, mais on va le célébrer quand même. Puis on va en avoir beaucoup de petites choses qu'on va parler sur la page Facebook puis sur le site web de la Véloroute WS. Ça fait que okay. Le monde ne l'oublieront pas. Vous avez-tu quand même commencé malgré le COVID? Avez-vous parlé de quelque chose? Ben oui, le lancement de saison qui va avoir lieu le 10 de juin qui va être à Belleville-Missassini. OK. C'est le lancement de saison officiel. C'est à chaque année, on a fait un. Puis là, cette année, c'était à Belleville-Missassini. On va faire mention de quelques petites choses pour voir que ça va être encore des affaires avec Zoom. Puis vu qu'on n'aura pas le vote de rassemblement, fait qu'on va peut-être être 4-5 personnes. Il y a probablement des petites affaires qui vont être enregistrées d'avance, qui vont être présentées sur le site web puis sur la page Facebook de la Véloroute encore. Okay. On va travailler gros avec les réseaux sociaux cette année avec la crise qu'on a présentement là. Mais là, vous avez comme but évidemment d'attirer de la clientèle. Certainement que là, avec ce qui s'est passé avec la mairesse de Saguenay qui disait de ne pas venir en région, vous autres, vous n'avez pas dû trouver ça drôle? Ben, on ne trouve pas ça drôle, mais dans le fond, pas dire qu'on s'en occupe pas, mais on fait tout parce que les réseaux cyclables sont autorisés partout, puis ils disent qu'il faut sortir, faut faire de l'exercice, faut bouger. Mm. En respectant nous autres, les consignes sont tout le temps de respecter les distensions sociales. Le monde peut rouler à deux par deux, il n'y a pas de problème, en autant qu'ils respectent le 2 mètres. Mm. C'est parce qu'ils veulent pas de regroupement de cyclistes de 5, 6 ou 8, 10 cyclistes. Ouais. Mais comme on disait, nous autres, on a décollé la saison le 15 de mai parce qu'on dit on a une infrastructure qui est là depuis, ben, on fête notre 20 ans, puis c'est une des plus belles pistes cyclables qu'il y a, en Amérique du Nord. Fait qu'on veut que tout le monde en profite. C'est sûr que là, on n'attend pas de touristes de Outre-mer ou des choses comme ça, mais de la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'attend qu'il va en avoir énormément plus que d'habitude parce que le monde n'aura pas le choix. Même nos résidents, nous autres, ils n'iront pas se promener à Montréal puis en dehors des provinces. Ça fait qu'ils vont rester ici. Fait que on s'attend d'avoir une bonne saison quand même. On va travailler fort, fort, fort là-dessus. OK. Dites-moi les nouveautés cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Ben, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu moins de nouveautés, mais il y a des nouveautés. Il y a des travaux qui avaient été commencés c'est à Saint-Gédéon, là, du côté du parc national de la Pointe-Torion, mais côté Saint-Gédéon, le long du golfe, il y a une route qui a été faite en nœud l'année passée, puis qui a été asphaltée en dernier. Même il y a encore un petit bout, je pense qu'ils vont faire l'asphalte là, au printemps. Là. Ouais. Après ça, on a à Robertval qu'il y a des travaux qui vont être en cours cette année aussi. On a eu la traverse à Delbault-Missassini, ici en dessous du pont, qui a été faite en nœud l'année passée, qu'on va en parler justement au lancement de saison. Okay. C'est des belles ajouts, puis On a eu une annonce du fédéral au mois de septembre pour un 3 millions. On attend une annonce du provincial aussi. Ça fait qu'avec cet argent-là, on devrait avoir des beaux travaux pour les années qui s'en viennent. Non? Pensez-vous que la crise du COVID va retarder ces annonces-là? Ben, on l'espère que non. Ben, c'est sûr que ça va peut-être les retarder un peu. Ouais. Mais on espère que ça, qu'ils vont faire les annonces, qu'ils vont voir les. Parce que l'argent va être là quand même, puis il faut, ouais. faut travailler ces infrastructures-là. On ne peut pas attendre trop non plus. Okay. Et c'est sûr que ça fait des différences. Gars, comme à Alma, ce qu'ils font, la Ilmaling, puis tout ça, là, pour le détour, là, oui. pour pas passer dans Belle-Île, là, ben, tu sais, ils disent qu'ils ont déjà 2 semaines ou 3 semaines de retard parce qu'ils ils viennent juste de recommencer. Mais ça devrait être prêt avant la fin de l'année aussi. Là. Okay. Peut-être pour les vélos, ça va être un petit peu plus compliqué quelques temps cet été. Là. Mm. Mais ça va être une belle ajout qui va être faite de ce côté-là. Est-ce que vous étiez nerveux à un moment donné? Parce qu'à un moment donné, le sport, ça a été long avant de déconfiner. Le sport d'équipe n'est pas encore fait. Mais est-ce que vous étiez confiant quand même que d'avoir une bonne saison au début de la crise du COVID? Est-ce que ça vous a inquiété à un moment donné? Ben, c'est sûr qu'il nous inquiétait parce que, tu sais, quand tu sais pas pantoute de quel côté tu t'en vas, même encore pour là, on dit que ça va être, on s'attend à une bonne saison, mais ça va être une bonne saison locale. Ouais. Même pour les, tu sais, parce que la côté restauration, côté hôtellerie, on sait pas pantoute encore, c'est au jour le jour. Ouais. Fait que là, avec ça, ben, parce que le monde, tu sais, aujourd'hui, si tu veux aller faire du vélo, ben, tu peux pas dire, planifier vraiment de faire le tour du lac en 3 jours, puis de coucher à quelque part, parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Fait que ça va être vraiment, tu fais une distance, un 40, 50 kilomètres, puis tu reviens chez vous, puis le lendemain ou 2 jours après, tu vas te stationner ton auto plus loin, puis tu vas refaire une autre partie. Fait que, tu sais, on va miser gros là-dessus cette année. Nous. OK, OK. Dites-moi, donc, c'est commencé le 10 juin. Est-ce qu'il y a un endroit précis de faire ou ça va se faire sur le web, ça va être fait par Zoom? Lancer l'année. Oui. Ça va être par Zoom, ça va se faire à Dolbeau-Missassini. C'est une primeur, c'est sûr que nous ouais. autres, on prépare ça depuis quelques temps. Depuis l'ouverture de la véloroute, c'était le 15. Mm. Pour les deux MRC de Maria Chapdelaine puis Domaine du Roi. La MRC Lac-Saint-Jean-Est, eux, ils vont ouvrir les circuits à partir du 1er juin. Okay. Puis le lancement de saison officiel, c'est vraiment le 10 de juin, puis s'il n'y a pas de retard, puis c'est ça. Comme là, on confirme gros, puis on demande gros aux gens de respecter la distanciation, puis après ça, nos bombes de réparation sont pas accessibles à cause justement de la COVID. Puis après ça, même il y a beaucoup de places que les toilettes publiques ne sont pas accessibles, il faut mentionner parce que à cause, quand c'est dans des endroits où il y a quelqu'un qui peut désinfecter, c'est correct, mais les toilettes, des fois, dans des halles routières, dans des halles de repos, ben, il n'y a pas personne pour aller faire la désinfection. Ça fait que, là, on attend justement les mesures des gouvernements puis de ces causes-là. Puis, ce qu'on demande au monde, c'est d'aller vraiment sur la page web de la Véloroute. Cette année, on va travailler gros avec ça. Puis on a l'application qui est téléchargeable sur les téléphones okay. intelligents. C'est l'application Ondago. Puis tu vas télécharger Ondago. Tu as tous les circuits de la Véloroute. Puis on va tout mettre les informations sur le Ondago puis sur la page web pour s'il y a des réparations, s'il y a des travaux. Puis même on est en train de monter que les commerces qui vont être ouverts, les restaurants, les hôtels qui vont être disponibles, des choses comme ça, à mesure qu'on va en avoir, qui vont se développer, ils vont tout être affichés sur ces plateformes-là pour renseigner les utilisateurs. Ben Michel Gilasson, gros merci. C'est sûr que c'est pas une année comme une autre. C'est spécial. C'est assez spécial pour tout le monde un peu, effectivement. Et au plaisir de se parler. Ben, ça me fait plaisir, puis on va vous souhaiter une bonne saison, puis on espère que ça va bien aller pour tout le monde, qu'on va avoir du beau temps. Voilà, donc le président Michel Chiasson.